Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons complètement changer de sujet pour aborder un sujet non moins passionnant, celui des mères porteuses. Un sujet qui soulève beaucoup de questions d'ordre éthique. On peut se demander par exemple si faire porter un bébé à une autre femme n'est pas une forme d'instrumentalisation du corps de cette femme. Alors c'est une question difficile et pour tenter de nous éclairer, nous allons en parler avec Edith Delery. Madame Delery est professeure émérite et professeure associée à la faculté de droit à l'Université Laval et également présidente sortante de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Elle est d'ailleurs venue à plusieurs fois déjà à ce titre à l'émission et nous sommes très heureux de l'accueillir à nouveau. Bonjour Edith. Bonjour Valérie. Alors, pour bien savoir déjà de quoi on parle, on va commencer par dire en quoi ça consiste en fait cette pratique des mères porteuses et peut-être dans quelles circonstances on y recourt. Bah écoutez, il y a deux possibilités. Soit que la mère porteuse soit aussi la mère génétique de l'enfant qu'elle va porter. Bon. Soit qu'on ait recours à une donneuse. Et qu'on va effectivement implanter un embryon qui aurait été fécondé par le sperme du couple demandeur avec l'ovocyte d'une donneuse. Bon. Donc, il y a un cas où il y a vraiment un lien génétique, il y a un cas dans lequel il n'y en a pas. J'ouvrirai peut-être une parenthèse sur la terminologie mère porteuse, si vous voulez bien, parce que ça m'a parlé un peu réducteur. Oui, c'est la façon dont on en parle en général, mais effectivement... Oui, c'est... en fait, c'est pour ça qu'on parle plutôt de gestation, de procréation pour autrui, mais parce que en termes de représentation de ce qu'est la maternité, ça pose des questions, bon. Et puis finalement, toutes les femmes enceintes portent un enfant. Bon, alors, il y a cette distinction-là. Ce qu'il y a aussi de voir, c'est quand recourt-on à une mère porteuse. Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a cas dans lesquels, effectivement, il y a un couple qui dont la femme est dans l'impossibilité de poursuivre une grossesse. Bon. Il y a aussi les cas qu'on appelle des gestations, procréations pour autrui de convenance, où il n'y a pas de problème d'infertilité comme tel. Mais il arrive effectivement des situations dans lesquelles il y a des femmes qui ne veulent pas de porter d'enfant, entre guillemets, parce que bon, ça va affecter leur corps. Bon, il y a les cas dans lesquels effectivement ben, on recourt aussi à la gestation pour autrui, dans le cas des couples homosexuels, plus particulièrement les couples gays. Et donc, il y a plusieurs scénarios possibles, c'est-à-dire jusqu'où on va aller effectivement dans ces pratiques-là. Est-ce qu'on doit les tolérer? Est-ce qu'on doit les encadrer? Jusqu'où on doit le faire? Et bon, qu'est-ce que ça implique en fait pour en termes de questionnement éthique et aussi pour l'avenir? Je parlais tout à l'heure de la représentation de la maternité. Vous avez parlé de l'instrumentalisation du corps de la femme, parce que soyons honnêtes là, même si on dit que ça doit être à titre gratuit ou que on tolère le remboursement des frais qui sont effectivement générés par la grossesse, on peut être un petit peu sceptique. Il y a un risque d'exploitation, puis qui va effectivement accepter de se prêter à ce scénario-là? Je pense que ça serait intéressant d'avoir des données pour voir qui vraiment accepte de jouer ce rôle-là. Il y a aussi toute la question en termes éthiques aussi de ce que ça implique pour la représentation d'après la procréation. Comment les enfants, nos enfants dans 15-20 ans vont se représenter en fait la procréation humaine? Quel sens en fait ça va revêtir pour eux? Peut-être qu'on en aura l'utérus artificiel à ce moment-là. C'est pas impensable, mais il demeure que ça pose des questionnements. Quel sens comme société on donne à la procréation? Et aussi, vous avez parlé tout à l'heure d'instrumentalisation du corps de la femme, mais c'est aussi la réification de l'enfant qui devient en quelque sorte un objet. Ah oui, c'est vrai. Et il y a un questionnement derrière tout ça. Et il y a aussi peut-être derrière ces scénarios-là le fait qu'on essaie de gommer la participation de cette tierce personne qui pourtant est fondamentale pour l'avenir de cet enfant-là. C'est ça. Donc, au même titre qu'on essaie de gommer le donneur dans l'insémination artificielle, on va essayer de gommer la participation de la mère porteuse, parce qu'en fait, en général, en tout cas dans les pays où on encadre la procréation pour autrui ou la gestation pour autrui, on ne fait pas le lien entre la mère porteuse et ça, l'enfant. Donc ici encore, il va peut-être se poser des questionnements. Bon. En fait, il n'y a de mère porteuse que porteuse, parce qu'elle n'est même pas mère, on ne reconnaît même pas du tout le lien qu'elle a pu avoir exactement. Avec l'enfant. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que je me disais quel sens on va donner effectivement à l'avenir, à la maternité. Donc c'est toute une série de questions qu'on peut se poser. Donc là, en ce moment, en fait, quelle est la situation au Québec? Est-ce que c'est une pratique qui est pratiquée, qui est utilisée, ou seulement peut-être quand vous parliez de situations d'altruisme, peut-être quand on connaît une personne, des proches, des amis, quelqu'un de la famille qui peut pas avoir, qui peut pas porter l'enfant, alors on va peut-être par altruisme familial presque être porteuse. Oui, d'ailleurs, donc c'est un scénario qui n'est pas nouveau, hein, parce que ça s'est déjà présenté, on le sait, il y a plusieurs centaines d'années, milliers d'années. Mais ceci étant dit, c'est très difficile à évaluer, en fait, l'étendue de cette pratique-là. Parce qu'on parle d'altruisme, mais je pense pas que ce soit les cas les plus fréquents, soyons honnêtes. Bon. C'est un peu occulte. Bon. On a des difficultés à saisir l'ampleur de ce phénomène-là. Ça existe, mais jusqu'à quel point? Faut-il l'encadrer, parce qu'on se dit ça éviterait qu'on aille faire du tourisme procréatif. C'est ça. Bon. Mais je pense qu'en fait, si on veut essayer d'encadrer vraiment à proprement parler le phénomène comme il le faut, en évaluant toutes les implications, il va falloir qu'on fasse comme on a fait en matière d'adoption. C'est-à-dire qu'en adoption, on a maintenant des conventions internationales. Il faudrait qu'on en ait matière de procréation aussi pour gestation pour autrui, parce que sinon on va toujours se retrouver avec des problèmes là où on va effectivement faire du tourisme. Aller en Inde où on ne sait pas c'est trop ça. Où. Parce qu'en fait on a dit aussi qu'éventuellement les frais de grossesse pouvaient être remboursés, donc peut-être qu'à ce moment-là il y aurait comme une rémunération, ça pourrait aller vers une rémunération de la mère porteuse. Oui. À ce moment-là il y aurait une exploitation de la pauvreté femmes avec peu de moyens vont avoir tendance à se porter volontaire, entre guillemets, une exploitation de la pauvreté, finalement. Oui, tout à fait. Et même à la limite, l'exploitation des femmes par les femmes. Quand je parlais des scénarios où, effectivement, il y a des femmes qui ne veulent pas, effectivement, entreprendre une grossesse, parce que, effectivement, ça peut abîmer leur corps. Et donc, on se trouve devant des situations vraiment un peu délicates en termes de possibilités d'instrumentalisation et de réification du corps du corps de la femme, qui devient vraiment un instrument au service d'autrui. Là, donc, mais est-ce qu'il y aurait quand même des raisons pour justifier cette pratique? Je me dis, par exemple, parce que certaines conditions dans lesquelles on peut employer cette pratique, c'est quand une femme a perdu l'usage de son utérus. Donc à ce moment-là, elle a des ovaires fonctionnels, etc. Il va y avoir un embryon, on va l'implanter dans une mère porteuse. Donc là, on se pose des questions. Mais quand c'est une femme qui a des problèmes d'ovaires, justement, elle peut recevoir un don d'ovocytes. Oui. Donc ce sont deux cas d'infertilité qui ne seraient pas traités à égalité, équité. Exactement, donc, effectivement. Dans ce cas-là, puisque le traitement, entre guillemets, de mère porteuse existe, je mets vraiment des guillemets à traitement, est-ce que on ne doit pas l'utiliser pour traiter équitablement ces femmes qui n'ont pas d'utérus? Alors, vous parlez de traitement. Oui, c'est compliqué, effectivement. Mais est-ce que parce que c'est possible, c'est légitime? C'est la première question qu'on peut se poser. Parce que le pas est facile à franchir, ça existe. Bon. Alors, c'est légitime, ça devient légal. Mais c'est vrai qu'il y a une question d'équité. Mais on est dans un cadre de situation médicale, dans la situation que vous exposez. Dans un cas, effectivement, il n'y a pas d'utérus. Dans un cas, effectivement, il y a possibilité d'avoir recours à un don d'ovocyte. Mais c'est quand on élargit le spectre que là, ça commence à poser problème. Oui. Alors là, on n'est plus dans des cas d'infertilité ou de traitement, en fait, entre guillemets, là, d'alternative, si vous voulez, à une impossibilité physiologique. Là. Parce qu'en ce moment, le risque, en ce moment, effectivement, les gens vont aller en Inde, où je disais, les Français vont en Ukraine aussi. Là, on va exploiter, finalement, on va faire semblant de l'interdire en France ou peut-être ici, mais finalement, on va l'exploiter, la pauvreté des gens d'ailleurs, en plus. Oui, mais déjà, en Inde, ils ont commencé à fermer les portes un peu. Oui, parce qu'on a, d'accord. De toute façon, vous avez probablement vu comme moi des reportages sur la situation des femmes qui, effectivement, acceptaient de porter un enfant pour autrui. Là. Mais là, ils ont commencé à être plus exigeants. Là. Mais il demeure pas moins que le tourisme procréatif existe. Là. Et que bon, il y a cette exploitation de ces femmes qui n'est pas à occulter non plus. Là, c'est vraiment un problème là, réel et qu'on doit traiter là, à l'échelle internationale, à mon sens. Puis il y a peut-être d'autres problèmes qui se passent aussi vis-à-vis de la santé, donc de la femme qui porte l'enfant. Mais il y a ça aussi qui est un élément. C'est pas sans risque. Hein, oui, bon, c'est ça exactement. Donc finalement, c'est un petit peu au détriment de sa santé. Les grossesses. Après grossesse, c'est quand même ça porte quand même un coup sur le corps de la femme. Exactement. Il peut y avoir des grossesses qui se passent moins bien. Tout à fait, des grossesses qui se passent moins bien. Il peut y avoir des cas dans lesquels, bon, on découvre que l'enfant est porteur d'une anomalie, bon, chromosomique ou génétique, maladie génétique. Lorsque l'enfant paraît, on a vu des cas dans lesquels, bon, c'est parce qu'il convenait pas tout à fait à l'image que se faisaient les personnes qui voulaient effectivement un enfant. Bon, donc la mère porteuse se retrouve finalement avec l'enfant alors que les autres n'en veulent plus. Là. Alors c'est quoi sa solution? C'est de donner l'enfant à l'adoption. Et inversement, il y a des cas dans lesquels elle a voulu garder l'enfant. Là. Parce qu'il y a un attachement quand même de la femme qui porte un enfant, va avoir un attachement pour ce bébé à naître et puis on lui supprime finalement cet attachement. Donc une atteinte psychologique finalement. Il y a effectivement une atteinte psychologique. Mais en fait, il y en a beaucoup qui recourent à une donneuse aussi dans le cadre de la gestation pour autrui, là, pour éviter que la mère porteuse ne s'attache trop à l'enfant qu'elle porte. Mm-hmm. Mais ça pose quand même des problèmes par rapport au développement de l'enfant lui-même. Oui, c'est ça. Puis si jamais il y a finalement, il doit y avoir des décisions médicales qui sont prises, comme une césarienne ou quelque chose, est-ce que la femme qui porte l'enfant a quand même droit de décision Je pense qu'elle devrait garder, si effectivement on encadre la pratique, il faut vraiment reconnaître à la femme la liberté, de toute façon la liberté de décider en fait de ce qu'elle va faire de son corps. Et puis de décider effectivement de si on va faire pratiquer une césarienne ou pas. Mais le problème en fait qu'on rencontre, c'est quand vous regardez des contrats en fait qu'on retrouve plus particulièrement en vigueur chez nos voisins du Sud, là, il y a toute une série de contraintes qu'on leur impose alors qu'elles ne devraient pas effectivement se plier à ces contraintes-là. Des contraintes par rapport alimentaire, des contraintes par rapport à la possibilité d'avorter ou pas, ou le devoir de le faire en cas de découverte effectivement d'anomalie. Donc il y a effectivement des atteintes à leur liberté. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Il faut absolument qu'elles gardent la décision. Donc finalement, pour l'instant, au Québec, on étouffe le problème ou on veut pas en parler? On en a parlé parce qu'il y a eu des décisions judiciaires. Il y a eu quelques décisions qui sont allées de la part des tribunaux concernant l'établissement de la filiation essentiellement. Le comité sur le droit de la famille qui avait été mis sur pied à la suite de l'affaire Lola, qui a émis un rapport, c'est ce qu'on appelle le rapport Roy, dans lequel il se propose d'encadrer la pratique. Mais ça devrait faire l'objet d'un débat parlementaire, je pense, parce que il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Mais l'idée, ce serait de l'encadrer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça existe, donc. Bon. Et c'est le fait est que l'enfant est là aussi. C'est pas évident. Non, c'est quelque chose. Il va falloir se pencher dessus parce que sinon il y a toutes sortes de pratiques un peu obscures qui se font. Au détriment de la mère, de la femme qui a porté et de l'enfant, c'est ça. Alors peut-être que vous reviendrez nous en parler quand le sujet aurait davantage évolué. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup, Madame Delory. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc professeure émérite, professeure associée également à la faculté de droit de l'Université Laval et présidente sortante de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL et on vous revient avec Mélanie qui nous donne des nouvelles des grandes barrières de corail. Ah, oh, ça c'est...